Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, c'était il y a 100 ans, 11 novembre 1918, le jour où les Allemands perdirent la guerre. Dans le wagon de Retonde, immobilisé dans la forêt de Compiègne, il est 5h12 ce 11 novembre 1918, quand le représentant allemand, un certain Matthias Erzberger, d'une main tremblante, signe devant le maréchal Foch la convention d'armistice qui met fin au combat et entérine la défaite de l'Allemagne. Si l'événement est connu, ce qu'il est moins, ce sont les 4 jours et 4 nuits d'angoisse, d'humiliation, mais aussi de coups de théâtre parfois tragicomiques qu'a traversé la délégation allemande, livrée à elle-même avant de signer l'armistice. Alors qu'à Berlin, l'Empire s'écroule sous les coups de la Révolution, c'est sur le pauvre ministre Erzberger que le haut commandement a jeté le cruel fardeau d'aller négocier avec les Français. La manœuvre est habile, sauver l'honneur de l'armée et faire porter à la classe politique la responsabilité de la défaite. À l'instant même où Erzberger signe l'armistice, cet acte, il le paiera de sa vie, la légende du coup de poignard dans le dos est en marche. Avec au bout du chemin, ils ne le savent pas encore, l'avènement d'un certain Adolf Hitler et le déclenchement d'une seconde guerre mondiale. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Naour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les auditeurs de France Inter, et en particulier d'Autant en emporte l'histoire, vous connaissent bien. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. On vous a entendu ce matin commenter en direct la commémoration du 11 novembre 1918. C'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, donc les jours qui ont précédé la signature de l'armistice. Nous le savons tous, cet armistice marque la fin de la Première Guerre mondiale, la fin de la Grande Boucherie, qui a fait des millions de victimes, 18 millions on peut le dire. Alors, des chiffres qui sont un peu révisés. Tout dépend où on met les limites, parce qu'effectivement, on va combattre jusqu'en 1923, ce qui fait que on peut ajouter en effet quelques millions. Voilà. Mais 10 millions, c'est dans les bornes de 14-18. Trop. Les Alliés sont victorieux, l'Allemagne est vaincue. Pourtant, 6 mois plus tôt, tous les indicateurs donnaient l'Allemagne victorieuse. Même Clémenceau n'y croyait plus. À quel moment et pour quelle raison le rapport de force s'est renversé? Au cours de l'été 1918. C'est vrai qu'au printemps 1918, au début de l'année, même un général comme Pétain, qui commande l'armée en chef, très pessimiste, il dit que ce serait bien de négocier. Le général Fayol écrit dans ses carnets secrets le 1er janvier 18, l'Allemagne va gagner la guerre. Pourquoi il y a un tel pessimisme? C'est que l'Allemagne a fait la paix avec les bolcheviks depuis la Révolution. Et donc, ils peuvent ramener 1 million de soldats sur le front occidental pour tenter le grand coup de rein du printemps et gagner la guerre avant que les Américains arrivent, finalement, et ne fassent basculer le rapport de force. Oui, parce que les Américains ont débarqué en 1917, mais ils ne sont pas encore entraînés et tous les hommes ne sont pas encore arrivés. Et donc puis, ils arrivent très lentement. Et puis, il faut les former, il faut les équiper. Et puis, le général Pershing, qui commande l'armée américaine, souhaite former une grande armée avant, pour des raisons politiques, hein, il représente une grande nation et il veut pas boucher les trous. Avant d'aller en ligne, en gros, au printemps 18, il y a les Français et les Britanniques qui devront seuls assumer le choc allemand. Et ou bien ils tiennent. Et donc l'Allemagne est perdue parce qu'à un moment donné, elle sera dominée numériquement et matériellement, ou bien l'Allemagne gagne la guerre avant l'arrivée des Américains, avant l'été 18. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que il y a 1 million de pertes. Ces attaques sont terribles en Picardie, sur l'Aisne, etc. Oui, vous dites que la France vit des heures terribles, les plus dramatiques de la guerre au printemps 1918. Ah oui, il y a un moment entre le 21 mars et le 25 mars où la défaite rôde, elle plane au-dessus des armées françaises et britanniques. C'est un moment terrifiant. On a l'impression de retrouver l'atmosphère de septembre 1914, la bataille de la Marne, où se joue le destin du pays et le destin du monde. Il faut rappeler quand même que l'Allemagne occupe la Belgique, tout le nord de la France, et que l'armée allemande n'est qu'à quelques 100 kilomètres de Paris, finalement. Oui, puis ils ont eu l'intelligence d'attaquer en mars 18 à la jonction des armées françaises et britanniques. Et comme le front n'est pas coordonné, il y a Douglas Haig qui commande le front britannique, et puis Pétain qui commande le front français. Donc chacun agit de son côté, et eux, hop, ils enfoncent un coin entre ces deux armées. C'était très intelligent. Mais bon, voilà, à un moment donné, l'Allemagne a été, s'est épuisée au cours de l'été 1918. Elle avait plus assez d'hommes, elle avait plus assez de fer, elle avait plus assez d'obus, plus assez d'ouvriers, plus assez de pain. Oui, l'Allemagne est dans une situation catastrophique à l'arrière. Effectivement, c'est étonnant. Ce pays qui a failli gagner la guerre au printemps 18, c'est un pays qui ne tient plus, puisqu'il y a ce blocus commercial que la Royal Navy opère depuis 1914. Et l'Allemagne, les Allemands ont faim. Le pays ne tient plus. Et donc l'économie de guerre est totalement désorganisée et la situation politique aussi est extrêmement confuse. L'Empire semble condamné, une révolution est en marche. Alors, les civils ont tenu jusqu'au bout. Ils ont tenu jusqu'au bout. En fait, ceux qui ont craqué, c'est les militaires. C'est-à-dire, à partir de l'été 1918, l'Allemagne commence à reculer. Les soldats n'y croient plus. Et comme ils n'y croient plus, beaucoup se rendent à chaque offensive alliée. Beaucoup se rendent sans combattre. Oui, il y a des grèves de la guerre. Et voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, quand les civils comprennent qu'on ne gagnera pas la guerre, que les soldats reviennent en disant c'est foutu, etc., eh bien, cette contestation enfle. Effectivement, on accuse le régime à perdre. La contestation, les grèves, et puis bientôt, à partir d'octobre, les mutineries de marins et les soviets qui vont apparaître. Quelle est la nature du régime allemand ? Ah ben c'est un régime impérial avec un empereur à sa tête, Guillaume II. C'est un régime qui n'est pas du tout un régime parlementaire. Il nomme le chancelier. Il n'y a pas de suffrage universel ? Alors, il y a un suffrage universel pour désigner députés au Reichstag, mais en Prusse, par exemple, on vote par classe. Il y a la classe des nobles, la classe des bourgeois et puis la classe du peuple. Donc, il y a une surreprésentation des nobles et des bourgeois, bien sûr. Donc, ça fait des parlements très conservateurs. Il n'y a pas de liberté d'association, il n'y a pas de liberté de réunion. Pas de liberté de la presse. Il n'y a pas de liberté de la presse. Donc, oui, c'est un régime impérial qui est devenu même une véritable dictature militaire à partir de 1916, ce sont en gros le chef de gouvernement, c'est Hindenburg et Ludendorff, c'est-à-dire les chefs de l'armée. Et vous racontez dans votre livre, Jean-Yves Le Naour, qu'à cette époque, là, à l'automne 1918, Hindenburg et Ludendorff sont en pleine dépression, et Guillaume II aussi. Et oui, puisqu'ils comprennent que tout est perdu. Ils l'ont compris le 8 août. Et le 13 août, Ludendorff dit au chancelier, nous ne gagnerons pas la guerre. Mais il pensait encore qu'il bloquerait le front assez longtemps pour qu'on puisse négocier un jour en position favorable. Et en septembre, il comprend qu'il n'y aura pas de position favorable. Tout est en train de s'écrouler. Donc à partir du 8 septembre, Ludendorff dit au chancelier « Vous devez vous adresser aux alliés, et en particulier au président Wilson, pour négocier. » Pourquoi Wilson, le président américain ? C'est parce qu'il vaut mieux passer par les Américains qui n'ont pas de haine nationale, de passif, si vous voulez, comme les Français. On pense que les conditions seront moins sévères. Mais Wilson est un peu réticent, puisqu'il n'a pas tellement envie de négocier avec un monarque. Oui, c'est ça. Donc, il met des conditions. Il dit, d'abord, moi, je veux pas de Guillaume II, je veux pas négocier avec un empire, je veux un régime démocratique. Donc, Ludendorff, finalement, prend conscience que, il va falloir démocratiser l'Allemagne. C'est incroyable, parce que la démocratisation de l'Allemagne, c'est à ce réactionnaire, ce général Ludendorff, qu'on le doit. Il va exiger qu'il y ait un nouveau gouvernement qui démocratise le pays pour pouvoir se conformer aux exigences de Wilson. C'est donc dans cette situation extrêmement chaotique, confuse, où tout semble perdu, que les Allemands vont demander la fin des combats et envoyer une délégation pour signer l'armistice en novembre 1918. Jean-Yves Naour, nous poursuivons cette discussion dans environ 30 minutes. Tout de suite, 11 novembre 1918, le jour où les Allemands perdirent la guerre, un texte que vous avez écrit, Jean-Yves Naour, spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Cédric Ossier. Monsieur le ministre, l'armée est à bout. Nous ne pourrons pas tenir bien longtemps. Il faut obtenir l'armistice le plus vite possible. Aux conditions les meilleures, bien entendu. Aux conditions les meilleures, mais vous en avez bonne, maréchal Hindenburg. Vous croyez peut-être que cela va être facile. Nous avons perdu la guerre. Que dis-je ? Vous avez perdu la guerre. Vous, les généraux. Et les Français sont en mesure de nous dicter leur volonté. Alors, et si ces conditions sont trop sévères, que dois-je faire ? Je suis désolé, monsieur le ministre, mais nous ne sommes pas en mesure de résister. Il faut conclure, quelles que soient les conditions. Conclure ? Au moins, les choses sont claires. Au nom de Dieu, de l'Empereur et de la patrie, je vous souhaite bonne chance. En route ! Pourquoi cela tombe-t-il sur moi ? Oh, tous ces Schweinehut. Au gouvernement, comme au quartier général, tous ils ont soutenu la guerre jusqu'au bout. Maintenant qu'ils l'ont perdue, tous ils se dérobent. Ils se tournent vers moi qui voulais la paix, parce qu'ils n'ont pas le courage de s'humilier et de reconnaître la défaite. Je les hais, je les méprise. Moi je fais mon devoir, pour sauver ce qui peut l'être encore, pour épargner l'Allemagne de la vengeance des alliés, mais... Scheiße ! Quelle ignoble corvée ! Principale personnalité du Zentrum, le parti catholique allemand, Matthias Erzberger a longtemps été la bête noire des nationalistes, et pour cause. Depuis un an, il ne croit plus en la victoire et réclame une paix de compromis. À l'époque, Les nationalistes le dénonçaient comme un traître et le maréchal Hindenburg ne lui souhaitait pas bonne chance, mais envisageait plutôt de le jeter en prison. L'ironie est cruelle, mais c'est à Matthias Erzberger, entré dans le gouvernement qui s'est formé en octobre 1918 pour réclamer l'armistice, que l'on confie la terrible mission d'aller négocier avec le maréchal Foch. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas écouté en 1917 ? Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il est 20h20 ce 7 novembre 1918, lorsque les phares de plusieurs véhicules trouent la nuit glacée sur la petite route qui mène au village de la Capelle dans l'Aisne. Outre Matthias Erzberger, un interprète et un sténographe, la délégation allemande est composée du général von Winterfeld, du capitaine de vaisseau Wanzelow et du comte Oberndorf. Rien que des seconds couteaux. Les voilà. Le mot s'est répandu comme une traînée de poudre parmi les poilus. Tous se sont redressés, hypnotisés par la lumière blafarde qui s'avance vers eux, telle une promesse de paix au milieu des ténèbres. Cette scène, ils l'ont rêvée depuis si longtemps. Sur le marchepied d'une voiture arborant le drapeau blanc, un soldat sonne le cessez-le-feu. C'est donc ici que commencent les lignes françaises ? Pourquoi ces soldats entourent-ils notre voiture ? Que veulent-ils ? Les soldats français se sont avancés, à la fois étonnés, émus et goguenards. Les uns demandent au ministre si c'est vraiment fini la guerre, les autres s'ils n'auraient pas des fois un peu de tabac allemand pour fêter ça. La paix, ça dépendra de votre maréchal. Et non, je n'ai pas de cigarette à vous offrir. Je vous prierai de dégager la voie et... Qu'est-ce qu'il faut Nein ! Vous n'avez pas le droit de... Verboten ! Ne touchez pas au drapeau blanc, mais... Verboten ! Ah, puis zut alors. Un officier. Et respect, monsieur le ministre. Je suis le commandant Bourbon-Busset. Pour mission de vous escorter jusqu'à notre général ici. Ne faites pas en vouloir à nos soldats, vous savez... Ils se sont partagés votre drapeau blanc parce qu'ils voulaient un souvenir. C'est un jour historique, non ? Pour vous, surtout. Dites-moi, comment faut-il prononcer le nom de votre maréchal ? Foch ou Fock, comme en allemand ? Il faut dire Foch. On ne prononce pas à l'allemande, ici. Prenez à droite. Oui, là, tout de suite. Et vous vous arrêterez à cette bâtisse, là-bas. Nous sommes déjà arrivés, si proche du front. Du tout, nous n'y sommes pas encore. Mais il est tard, et nous vous avons prévu une modeste collation. Messieurs, je vous en prie. Modeste collation. Cochon de français. Du pain de froment, du potage, une crème d'orge, du jambon accompagné de petits pois. Un véritable festin pour nous autres Allemands affamés, asphyxiés par le blocus naval et habitués aux ersatz. Aux soupes d'ortie, au pain de sciure et de fécules de pommes de terre. Ah, ils nous ont soignés, c'est sûr. Nous sommes désolés de vous offrir ce repas de si piètre qualité. Il s'agit de l'ordinaire déroulante, de ce que mangent nos soldats. Je n'ai pas mieux à vous offrir. Du pain blanc, c'est la première fois que j'en vois depuis 1914. C'est comme du gâteau. Écoutez-moi ça, monsieur le ministre, c'est délicieux. Mais taisez-vous donc. Le fromage. Du vin rouge, et tout à profusion. Je rêve. Allez-vous cesser, oui. C'est un pinard qui râpe un peu la langue. Je vous prie encore de m'excuser de vous servir cette nourriture fade et grossière. Fade ? Grossière ? C'est divin ? Oh, du riz au lait. J'avais oublié le goût du sucre. Vous ne voyez donc pas qu'ils jouissent de nous voir affamés ? Ce repas, ce n'est que de l'esbrouffe pour nous humilier un peu plus. Erzberger n'a pas tout à fait tort. Les Français narguent les Allemands, dont les soldats depuis des mois se nourrissent de pommes de terre et de barrensor. Plus tard, enfermé dans son wagon dans la clairière de Rotonde, la délégation allemande sera de nouveau confrontée à ce machiavélisme culinaire. À chaque repas, Foch lui fera servir des plats fins en quantité, le tout arrosé par les meilleurs vins bouchers, un moyen de lui faire sentir toute l'étendue de sa défaite. Alors que la famine sévit à Berlin, la France est incontestablement le pays vainqueur. À 1h30 du matin, nous sommes remontés dans les voitures. À un moment donné, nous avons traversé un amas de décombres. Plus une maison debout. C'était une suite de ruines. Sous la lune, les pans de murs prenaient une allure spectrale. pas un être vivant à la ronde. Ces ruines, là... C'est ce qui reste des villes de Chaumy et Ternier. Quand votre armée a reculé, vous les avez méthodiquement détruites pour ne laisser que des ruines derrière vous. On appelle cela la politique de la terre brûlée. Oh, la guerre est une chose terrible. Surtout quand elle se déroule sur votre sol. Nous sommes arrivés. La garde de Ternier, du moins ce qu'il en reste. Un train vous attend. Puis-je connaître notre destination ? Je ne suis pas autorisé à vous la communiquer. Les stores sont baissés, vous n'avez pas le droit de les relever. Veuillez monter, messieurs. Quant à moi, je prends congé. Permettez-moi de ne pas vous souhaiter bonne chance. C'est de bonne guerre, commandant. Quel luxe ! Regardez, monsieur le ministre. Ce salon entièrement recouvert de satin vert. Et ce N couronné. Et ces abeilles d'or brodées. Eh, manifestement, c'est une antiquité. Le train personnel de Napoléon III, sans doute. Voilà. Il fait un de ces froids. C'est un wagon magnifique. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait du chauffage quelque part. Ah, j'ai trouvé de quoi nous réchauffer un petit peu. Qu'est-ce donc ? Une bouteille de cognac. Et du bon. Rien qu'à l'odeur, je peux vous assurer que c'est du hors d'âge. Cuvée 1870. 1870. Je suis sûr qu'ils le font exprès. Hein. C'est certain. En tout cas, on ne pourra pas dire que les Français n'ont pas l'esprit d'à propos. En voulez-vous tout de même un verre ? C'est un nectar. Et malgré tout, 1870 reste une grande année. Bon, merci. Coupez l'envie. Hein. Le train s'ébranle vers 4 heures du matin et s'arrête 3 heures plus tard au milieu d'une clairière humide. À une centaine de mètres, Herzberger remarque un autre train aux rideaux fermés. Il n'apprendra que 2 jours plus tard où il se trouve, à la suite d'une maladresse d'un employé des chemins de fer. Comme il exprime le souhait de se rendre à la messe, le cheminot lui répond que ce n'est pas possible, l'heure de la messe à l'église de Retonde étant déjà passée. Retonde. Nous sommes donc dans la forêt de Compiègne. Pourquoi les Français nous l'ont-ils caché ? Au fond, cette information est sans valeur. Ce 8 novembre 1918, à 7h du matin, quand le train des plénipotentiaires allemands prend place à côté de celui de Foch, le général Weygand, chef d'état-major du maréchal, soulève les rideaux de son compartiment et se réjouit de cette journée historique. Il fait alors prévenir les Allemands que Foch les recevra dans son wagon-salon à 10h précises. Mais quand sonne 10h, parcourir les 100 mètres de sol boueux qui séparent les deux wagons n'est pas une mince affaire, en dépit des planches que l'on a installées pour protéger les chaussures et les bottes de ces messieurs. Quel calvaire! Rien ne nous sera épargné. Voilà que nous pataugeons dans la boue maintenant. Nous serons crottés devant le maréchal qui, lui, sera impeccable. Ils en riront, les Français, c'est sûr. Dans le fameux wagon-salon du maréchal Foch, les Allemands découvrent une grande table avec 4 sièges vides. De l'autre côté se tient le maréchal, raide, hiératique, froid comme le marbre, qui refuse de se lever quand les Allemands font leur apparition. À la gauche de Ferdinand Foch, 2 Britanniques, l'amiral Weems et le contre-amiral Hope. À sa droite, son chef d'état-major, le général Weygand. Tout de suite, le ton est donné. Qu'est-ce qui amène ces messieurs ? Monsieur le maréchal, je suis venu pour connaître les propositions relatives à la conclusion d'un armistice. Je n'ai pas de proposition à vous faire. Je ne comprends pas. Je répète, je n'ai aucune proposition à vous faire. Peut-être me suis-je mal exprimé. Ne parlons plus de propositions, mais des conditions que vous pourriez nous soumettre. Je n'ai aucune condition à soumettre à la discussion. La situation est simple. Demandez-vous l'armistice, oui ou non ? Oui, monsieur le maréchal. Très bien. Dans ce cas-là, Je vais vous lire les différents articles que vous devrez accepter sans négocier. Évacuation immédiate des territoires envahis en France, en Belgique, au Luxembourg, et de même évacuation de l'Alsace-Lorraine. Libération immédiate de tous les prisonniers alliés détenus en Allemagne. Abandon par l'armée allemande de 5000 canons et de 30 000 mitrailleuses, 2000 avions de chasse et 2 bombardements. Livraison de tous les sous-marins et les navires de guerre, livraison de 10 000 camions, 5 000 locomotives et 150 000 wagons. Enfin, évacuation de la rive gauche du Rhin, qui sera occupée par les troupes alliées, et engagement à payer des réparations pour les dommages causés durant la guerre. Les phrases tombent dans un silence de mort. Les têtes sont droites, les visages impassibles. Celui du général Winterfeld, très pâle, est empreint d'une douloureuse expression. À la lecture de l'article prescrivant l'occupation des pays rhénans, des larmes coulent des yeux du jeune capitaine Van Selow. Herzberger serre les dents. Pendant l'énumération des articles de la convention d'armistice, l'amiral Wims joue avec son monocle, affectant l'indifférence sans parvenir à dissimuler son émotion. Foch, dans un calme de statue, tire de temps à autre sur sa moustache d'un geste énergique. Quand il termine sa lecture, le silence s'abat sur l'assistance. Les Allemands sont sonnés. C'est vertigineux. Je me moque de vos commentaires. Vous avez 72 heures pour signer. Tout d'abord, je dois transmettre ces conditions à mon gouvernement et attendre sa réponse. Je croyais que vous aviez les pleins pouvoirs pour signer. Et oui, bien sûr, mais je dois tout de même en référer. Ne pourriez-vous pas allonger le délai prévu ? Non. Peut-être pourrions-nous alors envisager une suspension des hostilités le temps de l'examen des conditions. Pour donner le temps à votre armée de battre en retraite alors que je la tiens aujourd'hui au collet ? Certainement pas. À prendre ou à laisser. Vous avez 72 heures. Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre ? Et que voulez-vous que je fasse ? Ils nous tiennent, et mes instructions sont claires, hein, signées à tout prix. Vous avez vu Edinburgh l'autre jour. Les militaires ont tellement peur de l'effondrement de l'armée qu'ils nous poussent, hein, nous les politiques, à tous les déshonneurs. Et pas question de porter le chapeau. C'est pourquoi je vais leur en référer d'abord. Et je signerai que sur ordre. Oui, mais comment allez-vous faire ? Comment cela ? Nous n'avons pas emporté de machine à chiffrer les communications. Nous sommes donc forcés de nous exprimer en clair. Les Français sauront donc tout de nos conversations avec la chancellerie et l'état-major. Ah, chasse ! Chasse ! Les négociateurs allemands sont embarrassés. Pour ne pas avoir à communiquer en clair, ils sont contraints de renvoyer l'un des leurs dans les lignes allemandes. Le choix se porte sur l'officier interprète, le capitaine von Heldorf. Mais refaire le chemin à l'envers n'est pas facile. Parti le 8 novembre à 13h, il ne parvient sur le front qu'en fin d'après-midi et ne réussit pas à rejoindre les tranchées allemandes. Les soldats du Reich, qui croient à une ruse, lui tirent dessus. Son appel à cesser le feu est ignoré et son drapeau blanc criblé de balles. Le commandement français est si ennuyé qu'il envisage de le faire passer de l'autre côté en avion. Il faut attendre le 9 novembre à 14h pour que le capitaine allemand réussisse enfin à franchir les lignes. Mais à cette heure-là, le destin de l'Allemagne a déjà basculé. Non ! Non et non ! Je n'abdiquerai pas ! Je ne signerai pas l'acte de décès de la dynastie des Hohenzollern ! Je ne porterai pas en terre ma couronne d'empereur d'Allemagne et de roi de Prusse ! Votre Majesté, la Révolution triomphe ! Le chancelier démissionne et laisse la place aux socialistes ! Si vous n'abdiquez pas, ce sera la guerre civile. Comment ? Et c'est vous, mon fidèle Hindenburg, qui me trahissez. Avez-vous donc si peur de la canaille de Berlin? Mais une fois la guerre terminée, je reviendrai dans la capitale à la tête de mon armée et nous écraserons ces maudits rouges. C'est malheureusement impossible. Les soldats n'obéissent plus. Ils arrachent les galons des officiers, ils forment des soviets. Nous pouvons redresser la situation si l'ordre revient. Mais l'ordre ne reviendra pas si votre couronne est maintenue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous me trahissez. Vous m'avez juré obéissance et fidélité. Je suis trahi. Trahi. Trahi. Le 9 novembre 1918, pour prouver à Guillaume II que ses rêves de répression ne sont que des chimères, Hindenburg rassemble 39 généraux et chefs d'unité et leur pose cette question. Les troupes suivront-elles l'empereur pour rétablir l'ordre dans le pays ? Un seul officier sur 39 répond positivement. Pour Guillaume II, tout est consommé. Il vient d'être lâché par son armée. Plus d'autre choix que d'abdiquer. Puisque c'est pour le bien de l'Allemagne, et puisque je suis seul contre vous tous, je signe l'acte de décès de l'Empire et de ma dynastie. Et maintenant, il lui faut décamper au plus vite. Guillaume II n'a pas envie de finir comme son cousin, le tsar Nicolas II. Le 10 novembre, au matin, il quitte la ville de Spa, quartier général de l'armée allemande, pour les Pays-Bas. Sa première volonté, en passant la frontière, en dit long sur la bouffonnerie du personnage. Messieurs les douaniers, pourriez-vous me donner une tasse de bon vrai thé anglais ? Pendant ce temps, à Rotonde, les choses se compliquent. Entrez. Maréchal Foch, que puis-je pour vous ? Monsieur le ministre, une nouvelle vient de tomber. La République est proclamée à Berlin. Votre Kaiser est en fuite. Et vous avez un nouveau chancelier en la personne du socialiste Friedrich Ebert. Un malheur ne vient jamais seul. Mais voilà, c'était inévitable. Je l'avais dit, il fallait faire la paix quand on pouvait tout sauver. Mais maintenant, c'est trop tard. Toutes les digues sont en train de sauter. Un verre de cognac, maréchal ? Cette bouteille est d'une cuvée stupéfiante. Je me moque de vos choix politiques ou de vos désordres intérieurs. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si vous êtes toujours le représentant légal de l'Allemagne. Vous avez été désigné par un régime impérial qui n'existe plus. Que vaut votre signature ? Et ce nouveau gouvernement est-il vraiment à même de remplir les conditions de l'armistice ? Quelle est sa légitimité ? Ne sera-t-il pas lui-même balayé demain par un autre qui dénoncera sa signature ? Décidément, vous ne nous facilitez pas la tâche. Vous m'envoyez le premier désolé, maréchal. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? J'attends les instructions. Eh bien, attendez. Mais n'oubliez pas que vous n'avez plus que 36 heures devant vous. Après quoi, il ne sera plus question d'armistice, mais de capitulation. Cet homme est vraiment désagréable. Le président du Conseil, Georges Clémenceau, retrouve Foch au quartier général français. Eh bien, maréchal, ces négociations... Elles n'avancent pas du tout. Je me demande d'ailleurs si cette révolution n'est pas un piège. Une façon de gagner du temps ou de nous faire gober le mensonge de la démocratisation de l'Allemagne pour que nous ne la frappions pas trop sévèrement. Ah, c'est bien possible. Avec les Allemands, il faut s'attendre à tout, je les connais bien. Je les ai vus défiler dans Paris en 71 et cela, je ne l'oublierai jamais. Mais quel effet vous donne cette délégation, monsieur Hitzberger ? Vous paraît-il sincère ? Sincère n'est pas une qualité allemande, monsieur Clémenceau. Mais je le vois bien, ils sont épuisés, abattus. Ils signeront tout ce que nous voudrons. Pour eux, c'est la fin, et ils le savent. Et s'ils ne signent pas, combien de temps faudra-t-il encore combattre avant de les soumettre ? Ou peut-être moins de temps qu'on ne le croit. Regardez. Aujourd'hui même, 9 novembre, Pétain a fixé la date de la prochaine offensive, en Lorraine. Ce sera pour le 13 ou 14. Nous attaquerons ici, en direction de Metz, Longwy, Saarbrück. Et nous couperons le front allemand en deux. Dès lors, toutes les forces allemandes situées à l'ouest de cette ligne seront réduites à la capitulation ou la cavalcade désespérée en direction du Vaterland. En un mot, ils sont cuits. Ou ils signent et ils ont perdu la guerre, ou ils ne signent pas et ils sont perdus. Dans tous les cas, nous avons gagné, monsieur Clémenceau. Donc ils signeront. Ils voudront éviter la catastrophe et l'humiliation de l'invasion. C'est aussi mon avis. Ils sont faits comme des rats. Quelle tristesse, quelle débâcle. Dimanche 10 novembre, il ne reste que 24 heures et je n'ai toujours aucune nouvelle de Berlin ou de Spa. Mais que font-ils, bon sang ? Je suis là, incapable de quoi que ce soit, attendant des instructions qui ne viennent pas. Dans l'après-midi, nous avons obtenu l'autorisation de nous promener dans la forêt. Hein ? Quelle promenade ! La forêt est barrée de tous les côtés, partout des soldats français. Ils ne sont pas méchants, ils n'ont pas le droit de nous parler, mais ils nous montrent leurs journaux qui titrent sur l'abdication du Kaiser. Ils sont joyeux et ils ont raison de l'être. Nous, nous sommes accablés et nous aussi, nous avons raison de l'être. Mais que font-ils à Berlin ? Les conditions d'armistice qui nous ont été remises expirent demain 11 novembre à 11h. Après, on ne pourra plus empêcher l'invasion de l'Allemagne, la défaite honteuse, les destructions sur notre sol, la guerre civile peut-être même. Mais que font-ils, bon sang ? À Berlin, la situation est confuse, à tel point que le chancelier Ebert, la tête dans le guidon de la Révolution, en oublie les plénipotentiaires de Rotonde. Hindenburg, en revanche, plus inquiet que jamais pour l'honneur de son armée, presse le chancelier de conclure rapidement. Et comme il ne voit rien venir, le militaire prend les devants. Le soir, entre 19 et 20 heures, il adresse un radiotélégramme à la délégation dirigée par Matthias Herzberger. Il me dit de tenter d'obtenir des atténuations sur quelques points, mais il achève son message par « Si vous n'y arrivez pas, signez tout de même. » Me voilà bien. J'ai l'aval du haut commandement, mais pas celui du pouvoir civil. Je ne peux pas prendre une décision aussi importante de mon propre chef, moi, un ministre déchu d'un régime renversé. Non. Non, c'est une trop grande responsabilité. Vers 22h30, l'attente prend fin. Monsieur le ministre, j'ai là une bonne nouvelle pour vous. Montrez-moi cela. Bonté divine, la réponse du gouvernement, enfin. Souhaitez-vous que je vous en donne la teneur ? Quoi ? Vous voulez dire, le message étant clair ? Votre gouvernement n'a manifestement rien à cacher. Le gouvernement allemand accepte les conditions de l'armistice qui lui ont été imposées le 8 novembre. Par conséquent, nous vous autorisons à signer la convention d'armistice après avoir élevé une protestation contre les mesures qui sont de nature à faire tomber l'Allemagne dans la famine. Mais quelle bande d'amateurs ! Comment peuvent-ils me demander de négocier avec vous et en même temps envoyer un message en clair que vous pouvez lire, hein, tout aussi bien que moi, et qui me demande de signer de toute façon ? Comment puis-je négocier quoi que ce soit ? Ce n'est pas très habile, en effet. Mais personnellement, il y a autre chose qui me chagrine. Le papier est signé Reichskanzler Schluss. Reichskanzler, je vois, c'est le chancelier du Reich. Mais Schluss, qui est ce Schluss ? Le nouveau chancelier ? À quel parti appartient-il ? Nous n'avons jamais entendu parler de lui auparavant. C'est normal, maréchal Foch. Monsieur Schluss n'existe pas. Cela signifie point final. J'ajoute d'ailleurs qu'il est probable que pour sa carrière comme pour la mienne, ce soit effectivement un point final. Schluss. Schluss. Elle est bien bonne. En réalité, s'il n'y a pas le nom du chancelier, c'est tout simplement parce que Ebert n'a pas signé ce papier. Le document ne vient même pas de Berlin, mais de Spa. À l'état-major, on n'en pouvait plus d'attendre, alors les militaires se sont substitués aux civils et ont rédigé ce texte tout simplement signé « Reichskanzler, chancelier du Reich ». Il ne restait plus que quelques heures avant la fin de l'ultimatum. Pour le commandement allemand, il fallait en finir. Maréchal ! Oui ? Même si c'est inutile, acceptez-vous de discuter sur quelques points précis ? Ou après tout, soyons bons joueurs. Faites entendre vos arguments, nous verrons. Bien, voilà. Vous savez que l'Allemagne se couvre de soviets, comme hier la Russie. Eh bien, la révolution est contagieuse. Si les conditions sont trop sévères, vous allez nous jeter dans les bras du bolchevisme. La misère est l'agent recruteur du communisme. Qu'avez-vous à gagner au chaos qui nous menace ? Si les rouges l'emportent et appellent votre prolétariat à se soulever, alors demain, vous serez confronté au même péril. Vous agitez le spectre du communisme bien inutilement. C'est une maladie de vaincu, pas de vainqueur. Pourriez-vous au moins convaincre les Britanniques de mettre fin à leur blocus naval qui nous étrangle ? Ce sont les femmes, les enfants et les vieillards qui souffrent le plus de la faim et des restrictions. La situation est effroyable à Berlin et à Vienne. Nous avons perdu la guerre, c'est entendu. Mais pourquoi continuer cette politique criminelle ? Ce n'est pas juste. Pas juste ? Souvenez-vous, vous avez coulé des bateaux, militaires comme civils, sans aucune distinction. Et sur les bâtiments civils, il y avait des femmes et des enfants. Vos avions, vos canons ont bombardé Paris, qui n'était pas vraiment un objectif militaire. Ne nous dites pas ce qui est juste. Cependant, je veux bien envisager un éventuel ravitaillement de l'Allemagne. Les modalités seront bien entendu à définir par les chefs des gouvernements alliés. Merci, maréchal. Vous êtes un honnête homme. Si vous permettez, et toujours sur cette question du ravitaillement, le chiffre de 5000 locomotives et de 150 000 wagons que vous nous demandez est bien trop élevé. Allons donc. Cela va paralyser totalement nos transports, les récoltes. Les produits ne circuleront plus. La crise économique et la famine vont s'étendre. Oh, ne me faites pas rire. Ces trains servent pour le moment au transport militaire et leur livraison nous garantit que vous ne pourrez pas reprendre les opérations. Non, je ne ferai aucune concession sur ce point. Alors, parlons des mitrailleuses. 30 000 pièces, quasiment tout notre arsenal. Vous nous placez dans une situation impossible en cas d'insurrection bolchevique. Vous n'avez pas tort. Donnez-moi 25 000 alors. 5 000 vous suffiront pour maintenir l'ordre ? Durant toute la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, Herzberger se démène comme un beau diable. À force d'acharnement, il parvient à quelques inflexions marginales. Les Allemands ne livreront que 25 000 mitrailleuses au lieu de 30 000, 5 000 camions au lieu de 10 000, 1 700 avions au lieu de 2 000. Pas grand-chose en définitive. 5h12, l'aube apparaît. Ce petit matin du 11 novembre, la discussion est épuisée. Le temps est venu de signer la convention qui prendra effet aujourd'hui même à 11h. Je prends la plume et même si j'affecte le calme absolu, ma main tremble et trahit mon émotion. Les officiers allemands qui m'accompagnent ont les larmes aux yeux. Je m'efforce de rester droit et digne. J'ai fait mon devoir et accompli du mieux possible la sale besogne que ni le chancelier, ni Hindenburg n'ont eu le courage de remplir. Ma main est suspendue en l'air. 1, 2, 3 secondes. Je signe. Tout est consommé. Mon pauvre pays. Alors je veux faire entendre ma protestation. Sachez qu'un peuple de 70 millions d'hommes souffre, mais il ne meurt pas. Très bien. Matthias Herzberger tend alors la main au maréchal, mais celui-ci refuse de la prendre et se contente d'un léger signe de la tête. C'est la dernière humiliation pour la délégation allemande. Oh, pas de sensiblerie hypocrite, s'il vous plaît, alors que nous nous sommes entretués pendant 4 ans. Aujourd'hui, les Boches, je m'en fous. Ce 11 novembre, c'est mon jour. Le jour de gloire de la France et de ses braves poilus. Après avoir multiplié les coups de fil pour avertir nos dirigeants de la bonne nouvelle, je quitte Rotonde vers 7h30 en saluant les soldats sur mon passage avec un ton badin. La guerre est finie, mes enfants. J'arrive enfin à Paris vers 9h et j'exhibe ma serviette en cuir devant Clémenceau en disant simplement « C'est là-dedans ». Le tigre me remercie chaleureusement. Il m'embrasse. Monsieur le président du conseil, mon travail est terminé. Maintenant, le vôtre commence. Ah, Foch. Vous savez comme il est dur de gagner la guerre. Mais croyez-moi, gagner la paix sera plus dur encore. Voilà sur le chemin du retour, dans ce train aux rideaux tirés, soi-disant pour notre sécurité. À 11h, j'entends les cloches. Le tocsin qui, de village en village, se répond, enfle, grandit et nous enveloppe. Quelle joie cela doit être pour les Français. Nous regardons nos pieds. Nous ne sommes pas fiers, mais au fond, je crois que nous sommes soulagés. Au moins, les hommes ne se tuent plus. À la gare de Ternier, nous retrouvons notre commandant qui nous accompagne jusqu'aux lignes allemandes. Il est 2h du matin. Nos voitures n'arriveront à Spa que le 12 novembre à 9h. Là-bas, tous les militaires me félicitent. Il faut voir comment. Pour Hindenburg, je suis un héros, j'ai évité le pire. Mais demain, les mêmes militaires accuseront les civils d'avoir trahi l'armée. Ils m'accuseront de lui avoir donné un coup de poignard dans le dos. Pour les généraux, c'est sûr, je vais devenir l'incarnation de la trahison,

stupeur et en même temps, c'était une grande attente. On le savait depuis plusieurs jours que les Allemands n'en pouvaient plus, qu'ils avaient entamé des conversations avec le président Wilson pendant tout le mois d'octobre, en gros du 4 octobre jusqu'au 28 octobre. Et donc, on savait qu'ils étaient à bout et qu'ils allaient demander l'armistice. Mais quand ? Est-ce que c'est dans un mois, dans deux mois, dans trois mois ? Et puis les voilà qui passent à cet endroit. Et effectivement, c'est la première fois qu'on entend le cessez-le-feu. Le caporal Cellier prend son clairon. Et ce clairon est aujourd'hui visible à l'armée, au musée de l'armée, aux Invalides. Hein, c'est le clairon historique qui a sonné le cessez-le-feu. Et figurez-vous que ce 7 novembre, quand l'information est donnée que le lendemain, que le jour même, que on sait que les plénipotentiaires allemands vont passer dans les lignes françaises, la nouvelle arrive aux États-Unis, la nouvelle arrive en Argentine, etc. Et on descend dans la rue pour fêter la victoire. On est persuadé que c'est signé. En réalité, on signera le 11 novembre. Donc, il y a des images qui montrent la liesse dans les rues de New York. Alors qu'en fait, c'est une fausse nouvelle. Il faudra rentrer chez soi et on ressortira le 11 novembre. Ouais. Et c'est vrai aussi, vous me l'avez dit, les humiliations que font subir les Français aux représentants allemands. Les soi-disant modestes collations, la bouteille de cognac cuvée 1870, la boue dans laquelle les Allemands sont obligés de patauger avant d'entrer dans le wagon. Ça, c'est pas... C'est la pluie, hein. On a mis quand même des planches. Oui. Disons que c'est les Allemands qui se déplacent, c'est pas les Français qui vont dans le wagon allemand, c'est vrai. C'est certes, mais tout ça, c'est de bonne guerre aussi, on peut considérer. Oui, voilà, et puis il y a cette main qui est tendue par Erzberger et que Foch ne prend pas. Ça, effectivement, c'est très humiliant pour Erzberger. Alors, ce qui est également étonnant, stupéfiant dans cette histoire, c'est la solitude de Matthias Erzberger et de sa délégation, totalement livrée à eux-mêmes face au maréchal Foch. Ce personnage, d'ailleurs, est assez touchant, voire pathétique. Il fait ce qu'il peut pour sauver les meubles. Cette solitude, elle est due d'abord au problème de liaison avec l'état-major, et puis elle est due aussi aux événements dramatiques qui se déroulent en Allemagne. La mutinerie de Kiel, dans ce port du nord de l'Allemagne, et la révolution qui embrase l'Allemagne. Le 9 novembre, l'abdication de l'empereur. Oui, on a vraiment l'impression d'un homme seul. D'ailleurs, est-il encore légitime le 9 novembre, puisqu'il a été envoyé par un régime impérial, par le chancelier Max de Bade. Il ne voulait pas y aller, d'ailleurs, Matthias Erzberger. Pourquoi c'est à moi de signer, moi qui, depuis 1917, réclame une paix de compromis, mais on lui dit, mais vous êtes un très bon négociateur. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a été député à 28 ans. Là, il a une quarantaine d'années. C'est vraiment un politique très fin, très intelligent. Donc, tout le monde lui dit, il faut que tu y ailles. C'est la seule personnalité qui compte de cette délégation. Parce qu'on a envoyé effectivement que des seconds couteaux, tout le monde se dérobe et voilà, c'est à Erzberger de faire le sale boulot. Et ce qui est terrible, hein, l'ironie de l'histoire, c'est que finalement, tout le monde le félicite en disant oh, bravo, vous avez signé, vous nous avez évité la catastrophe. Et puis, en quelques jours, on dirait que c'est un traître qui a signé une paix déshonorante, qui a humilié l'Allemagne. Il fait partie de ces criminels de novembre. C'est la fameuse théorie du coup de poignard dans le dos. Et le pauvre Erzberger, il finira par tomber. Il y aura trois attentats contre lui. Et le troisième sera le bon. En 1921, il sera assassiné par deux soldats qui appartenaient à des corps francs. En pleine rue. C'était le traître, c'est politique, c'est démocrate, c'est socialiste, c'est juif, il n'était pas juif, mais c'est toute la thématique de l'extrême droite, la thématique de la trahison, de la noble armée allemande qui combattait et qui a été poignardée dans le dos. C'est une volonté claire qui a été mise en place par Ludendorff, cette théorie du coup de poignard dans le dos. C'est une manipulation, c'est un mensonge. Alors on n'entend pas Ludendorff dans cette fiction parce qu'il a déjà démissionné. Il a été démissionné. C'est toute l'intelligence de ce personnage, Ludendorff, qui dirigeait l'armée derrière Hindenburg. Eh bien, il a poussé en septembre le gouvernement à demander l'armistice. Et ensuite, dès que le gouvernement, en octobre, s'est mis en relation avec Wilson et a commencé les pourparlers, etc., évidemment, tous ces pourparlers ont été publiés dans la presse. Et bien, à partir de ce moment-là, il s'est opposé au gouvernement en disant « Comment vous voulez conclure un armistice? Vous voulez trahir l'armée allemande? Moi, je ne vous laisserai pas faire !» Donc, évidemment, on a vu son double jeu. Le double jeu, c'était effectivement laisser les politiques endosser le chapeau, boire la petite soupe de la défaite. Et lui, il évitait le déshonneur de l'armée allemande. Et puis après, il s'opposait en défenseur de l'armée allemande. Et donc, il démissionnait. Son objectif était de revenir ensuite au pouvoir avec l'honneur de l'Allemagne. Et c'est un calcul qui n'était pas tout à fait faux, puisque dans le putsch de Munich, le putsch de la brasserie du 9 novembre 1923, bien sûr, il y a Hitler. Adolf Hitler. Il y a Hitler, bien sûr, mais on a oublié qu'il y a Ludendorff à ses côtés. Alors Hitler est en prison, Ludendorff, on dira non, il était gâteux, on voulait pas mettre un général en prison qui avait commandé l'armée allemande. Mais le calcul de Ludendorff de revenir au pouvoir avec la droite nationaliste et l'extrême droite, il était bon, sauf que il va se faire damer le pion par un plébéien, parce que cette Allemagne impériale, c'est fini. C'est Hitler, finalement, qui portera. Est-ce qu'on peut dire que le nazisme est né dans le wagon de Rotonde, le 11 novembre 1918? Non. Bon, d'abord, effectivement, le nazisme, il a des racines dans l'histoire allemande, dans le pangermanisme, qui date d'avant 1914. L'idée de l'espace vital, par exemple, c'est une idée du pangermanisme. L'idée de cet espace à conquérir sur les Slaves, dans la continuité des chevaliers teutoniques, etc. L'idée qu'il y a un conflit de race, et que la race aryenne et la race allemande et la race élu qui doit dominer en Europe, ce sont des idées qui sont dans l'extrême droite allemande, chez les nationalistes allemands, les pan-germanistes, avant 1914. Donc ce n'est pas le traité de Versailles, comme on l'entend souvent, c'est l'humiliation de la défaite qui a créé Hitler. Hitler, il est pas le produit. Nous, c'est vrai qu'on est tout le temps les Français en disant mea culpa, on a tous les péchés du monde, mais non, Hitler vient de l'histoire allemande, avant tout. Malgré tout, ce wagon de Rotonde, donc où est signé l'armistice le 11 novembre 1918, c'est celui aussi que Hitler utilisera le 22 juin 1940 pour faire signer à Pétain l'armistice. Oui, c'est le wagon d'une double humiliation. L'humiliation de l'Allemagne, bien sûr, le 11 novembre 1918, mais aussi l'humiliation de la France, effectivement, le 22 juin 1940. Et Hitler vient dans la clairière de l'armistice, il vient dans le wagon et pose cette question: où s'est assis Foch? Et on lui dit: c'est assis ici, et hop, il s'assoit à l'endroit où Foch s'est assis. C'est vraiment une revanche. Et ce wagon, on va l'envoyer en Allemagne, on va le mettre à côté de la porte de Brandebourg, et on va le laisser ouvert aux visiteurs. Voilà la revanche de l'Allemagne. Hier, le 10 novembre, il y avait Angela Merkel, et il y avait Emmanuel Macron, dans la clairière de l'armistice, un Français et une Française, finalement, se tenant la main devant l'histoire, finalement, devant cette double humiliation, devant cette histoire, cette grande tombe qui nous a dévorés, français et allemand. Merci Jean-Yves Le Naour, vous avez écrit beaucoup de livres sur la Première Guerre mondiale. Je conseille notamment la lecture du 5e volume de votre excellente série sur la guerre, qui se lit comme un roman d'ailleurs, 1918, L'étrange victoire, publié chez Perrin. Sur la Première Guerre mondiale, la bibliographie est immense en ce 100e anniversaire de l'armistice. Je signale quand même la parution de 14-18 comme si vous y étiez, de Thomas Snegaroff, édité par France Info et Larousse. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons de Coco Chanel, l'immense créatrice de mode, celle qui, avant même la Première Guerre mondiale, libéra le corps des femmes, inventant pour elle un style à la fois simple, décontracté et sophistiqué. Mais la géniale mademoiselle avait aussi sa face sombre et peu glorieuse, notamment lorsqu'en 1941, sous l'occupation, profitant des lois anti-juives, elle tenta de récupérer l'intégralité du capital des parfums Chanel. Coco Chanel et l'affaire du numéro 5, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Édouard Baer, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.